Peuple stéphanois, te voici, une fois de plus, au pied de ce chevalement qui est ta fierté, ta tour Eiffel. Tu as suivi Sainte-Barbe, la patronne des mineurs, elle t'a guidé jusqu'ici. Ton cœur bat au rythme de celui des gueules noires, ces hommes qui ont versé sueur et sang dans les entrailles de cette terre du forêt. Peuple stéphanois, tu as une âme. Elle a pour nom solidarité, fraternité, toutes ces valeurs que tu portes encore aujourd'hui. Ce moment de communion du premier samedi de décembre glorifie les crassiers que d'autres ailleurs nomment terrils. Ces grands tas de déblais se dressent tels des pyramides, témoins de leur temps, d'un passé qui soudain va ressurgir de nos mémoires. Déchets de roches, roches vues comme inutiles et stériles, produits de combustion, matière soufrée, issue des ateliers de tri qui se situaient ici, entre le chevalement et la gare du Clapier. Les clapeuses séparaient alors les cailloux de l'amour, entremêlés au charbon, schiste houillé ou argilite. Jusqu'en 1930, ces déchets triés formaient des tas qui servaient à reboucher les galeries. Plus tard, leur emblayage fut remplacé par l'hydraulique. Les déchets devenus inutiles furent entassés pour former les montagnes qui marquent notre paysage. Érigés par les skips, sorte de funiculaire, les wagons déposaient son lot de crasse pour atteindre aujourd'hui une centaine de mètres de hauteur qui se consume devant nous encore à près de 300 degrés. Végétalisés par la main de l'homme et les compagnies houillères dès 1970, ils sont enracinés, rejoints par les mousses, les cardamines aux couleurs pourpres, les éperviers jaunes ou les astres hydrométriques qui forment la boutonnière du terril, tel un soleil qui se replie sur lui-même. Les couches de charbon se sont mêlées à l'image de notre population qui s'est sédimentée par les mineurs venus former la nécessaire main-d'œuvre issue du bassin méditerranéen. Algériens et Italiens, comme de l'Europe centrale, avec les Polonais, les bouchers, Martin, Fanget, côtoyaient les Wizem, Canonico, Karulak, Uzierski. À la Sainte-Barbe, les boutefeux, depuis le crassier, tiraient tout au long de la journée des boîtes d'explosifs, agrémentées de matière, pour annoncer la fête. En cette mémoire, les yeux des enfants tournés vers l'avenir vont s'émerveiller de la magie lumineuse que vous offre ce soir la ville de Saint-Étienne et plus particulièrement son service animation. Profitez de ce feu d'artifice, bonne Sainte-Barbe à tous et vive Saint-Étienne !